Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et l'on s'intéresse à une catastrophe aérienne, le vol Rio-Paris. Souvenez-vous, c'était le 1er juin 2009. À Roissy, il y a moins d'une heure, l'annonce au terminal 2 de la disparition du vol AF447 en provenance du Brésil. Attendant l'arrivée du vol Air France 447 en provenance de Rio, de bien vouloir se présenter au comptoir d'information Air France, situé niveau arrivée du terminal 2E. L'avion, un A330, avait décollé de Rio de Janeiro hier soir vers 19h. Il se dirigeait vers Paris, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, où il devait arriver ce matin vers 11h10. À bord, 216 passagers et 12 membres d'équipage. Vers 8h ce matin, heure française, pour une raison inconnue, l'avion disparaît des écrans radars. À ce moment-là, l'avion avait déjà effectué plus de 7 heures de vol. Il se trouvait quelque part au-dessus de la mer. À Roissy, l'inquiétude est grande. Les autorités s'attendent au pire. C'est effectivement le pire qui est arrivé. Pour parler de cette catastrophe aérienne, je reçois l'un des pères spirituels de Super Fail, Christian Morel. Christian Morel, vous êtes l'un des plus grands théoriciens de l'erreur. Vous êtes en quelque sorte un super failologue, même si vous avez une formation de sociologue. Vous venez de publier Les décisions absurdes 3 chez Gallimard. Et d'après ce que l'on sait, d'après ce que vous avez réussi à reconstituer, qu'est-ce qui est arrivé à ce vol Rio-Paris ? Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que il existait jusque vers 2011 une règle concernant le décrochage qui était le contraire de la règle aérodynamique. C'est-à-dire qu'il fallait... Qu'est-ce que c'est que le décrochage ? Alors, le décrochage, c'est l'avion qui ralentit parce que son nez est tourné vers le ciel, et donc il n'y a plus eu assez de portance sur les ailes, et il tombe comme un caillou. Et alors voilà. Quand il tombe comme un caillou, quand un avion décroche, est-ce qu'on peut rattraper un avion qui décroche ? Tout à fait. Le principe aérodynamique, c'est de pousser le manche pour incliner l'avion vers le sol, de telle façon qu'il reprenne de la vitesse, et que la portance sur les ailes se rétablissent. Mais pour des raisons bizarres, la règle concernant la récupération du décrochage, qui était appliquée partout, c'était de tirer sur le manche et d'augmenter la puissance des réacteurs. Mais cette règle est contre-productive, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, le fait de pousser la puissance des réacteurs faisait incliner l'avion encore plus vers le ciel et donc le ralentissait et réduisait la vitesse. Et donc, cette mauvaise règle a provoqué six ou sept accidents. Et il a été décidé de changer la règle et que dans tous les cas, eh bien, on doit, en cas de décrochage, pousser le manche vers l'avant pour incliner l'avion vers le sol et reprendre de la vitesse, même à faible altitude. Alors, précisément, qu'est-ce qui a pu se produire pour le vol Rio-Paris ? Est-ce que vous sous-entendez qu'il aurait décroché ou qu'il y avait un risque que cet avion décroche, Christian Morel ? Il a effectivement décroché, mais ce qui peut expliquer le décrochage, c'est une hypothèse, c'est que le copilote a voulu appliquer cette mauvaise règle de récupération du décrochage, c'est-à-dire qu'il a tiré sur le manche et il a augmenté la puissance des réacteurs. Très bien, mais alors dans ce cas-là, pourquoi cette procédure ? Puisque les erreurs auxquelles vous vous intéressez dans les décisions absurdes 3 sont des erreurs qui sont la conséquence de règles. C'est-à-dire des gens qui suivent les procédures. On a l'impression d'habitude que les gens qui échouent sont des gens qui font des choses un peu bizarres et ne prennent pas les bonnes décisions. Et vous vous intéressez à des gens qui suivent les règles et qui, malheureusement, échouent, voire aboutissent à des catastrophes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cockpit? Puisque, à l'époque, on avait beaucoup parlé de ces sondes pitot. Ces sondes pitot, elles servent à quoi et en quoi elles peuvent être à l'origine de cette catastrophe aérienne? les sondes Pitot permettent de mesurer la vitesse de l'appareil par rapport à l'air. Bon, et elles ont givré, et donc il n'y avait plus d'indication de vitesse. Dans ce cas-là, il suffit de laisser faire les choses. La situation se rétablit en une minute, et l'avion reprend un fonctionnement tout à fait normal. Mais là, les pilotes ont été très perturbés par ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en matière de règles concernant la récupération du décrochage, cette mauvaise règle qui existait, le problème, c'est que lorsque vous avez une règle comme ça, elle sert à évaluer les pilotes, ça devient inscrit dans le marbre, et donc on l'applique presque aveuglément. Il y a eu un accident d'avion qui a décroché aux États-Unis, à Buffalo, et le pilote a appliqué cette mauvaise règle, il a tiré sur le manche, et il est même allé contre le comportement de l'appareil qui avait un système automatique pour que le manche automatiquement soit mis vers l'avant. Et le pilote a appliqué une force de 70 kg sur le manche. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et l'appareil a continué à décrocher et il s'est écrasé. En fait, ce que vous êtes en train de nous raconter, Christian Morel, c'est que le règlement aéronautique, jusqu'à cette catastrophe de la F447, était un règlement un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'il obligeait les gens à empêcher un avion de décrocher en braquant l'avion vers le haut. Mais ce que l'on pourrait vous rétorquer, c'est que finalement, ce règlement, il a été choisi parce que on se disait que si on braquait un avion vers le bas, eh ben, il risquait de s'approcher dangereusement du sol et du coup de se cracher. Oui, mais alors justement, le pilote d'essai d'Airbus, Claude Lelay, a fait des essais parce que lui était convaincu que cette règle mauvaise était absurde. Et donc, il a fait des essais de récupération de décrochage à basse altitude et il a démontré qu'une récupération du décrochage à basse altitude en poussant le manche vers l'avant était plus efficace qu'en appliquant la mauvaise procédure. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant par rapport à l'ancienne règle, c'est que lorsque j'ai demandé à plusieurs pilotes, mais pourquoi il y avait cette règle ? Et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, ils m'ont fait des réponses différentes. Il y en a un qui m'a dit « Ah ben c'est parce que les moteurs étaient devenus très performants, donc on a fait trop confiance au moteur. Donc il suffisait d'augmenter la puissance des moteurs. Il n'y avait pas besoin de faire baisser l'appareil. » Ou bien on m'a dit « Ah ben c'est parce qu'on craignait surtout les décrochages à faible altitude, donc il fallait mieux remonter tout de suite. » Et puis un autre m'a dit « Ah ben, il y avait tellement de protection contre le décrochage qu'en fait l'avion réagissait automatiquement, donc il n'y avait pas à se préoccuper de ce sujet. » Et quand, vis-à-vis d'une règle, on l'explique par des raisons différentes, ça veut dire qu'il y a un loup. Voilà. Et alors ce loup, il était où là ? Parce que, a priori, c'est pas absurde de se dire, voilà, on va pas engager l'avion dans un vol vers le sol, on va au contraire reprendre de l'altitude, et donc on va utiliser la puissance des moteurs pour le faire remonter. Pourquoi votre vol AF447, il n'a pas remonté ? Bah, il est bien remonté, mais ça a été peu efficace, parce qu'il faut savoir que quand on augmente la puissance des moteurs, la puissance met du temps à se mettre au niveau qu'on désire. Et donc, il peut se passer 8, 9, 10 secondes, ce qui est très long lorsqu'un avion décroche. Par ailleurs, les réacteurs sont sous les ailes. Et donc, si vous augmentez la puissance des réacteurs, ça crée un moment qui pousse naturellement à lever l'avion vers le haut. Ce que je voudrais dire par rapport aux procédures, c'est que ça illustre bien la fragilité des procédures. Et il a été décidé récemment dans les compagnies aériennes les plus modernes, justement, d'essayer de réduire le nombre de procédures. Parce que il y en avait trop. Il y a trop de règles et du coup, les pilotes, d'ailleurs, ils s'y perdent. Pendant longtemps, vous aviez les procédures des constructeurs, Boeing, Airbus, et puis les procédures des compagnies, parce qu'elles rajoutaient, en quelque sorte, au mode d'emploi des avions, leur propre mode d'emploi. Et donc, les pilotes étaient confrontés à des procédures qui pouvaient être contradictoires ou trop nombreuses. Et les compagnies modernes ont choisi de réduire le nombre de procédures en supprimant tout ce qui avait été rajouté à la documentation constructeur. Donc on a observé une sorte de déflation normative. Le principe aujourd'hui, et c'est un principe général, c'est qu'il faut remplacer l'excès de règles par davantage de compétences et davantage de coopération hautement fiable. Oui. Compétences et coopération hautement fiable. Il faut que vous nous définissiez ce que c'est que la coopération hautement fiable. La coopération hautement fiable, c'est la capacité d'un groupe de réagir rapidement devant l'incertitude. Donc ça suppose des entraînements, ça suppose de l'expérience collective. J'ai assisté par exemple à une simulation haute fidélité de l'hémorragie de la délivrance à l'hôpital Foch, où une équipe de gynécologie, d'accouchement, d'un hôpital, vient se former avec un mannequin qui saigne, dont on peut mesurer la tension artérielle, etc. Et donc, on provoque une hémorragie, on observe la façon dont il communique, la façon dont il se coordonne, et ensuite de ça, il y a un débriefing par le médecin qui a organisé cette formation, où 90% de ce débriefing porte sur la façon dont les différents acteurs, aides-soignants, infirmières, gynécologues, ont coopéré pendant l'hémorragie. Et donc, ce que j'appelle la coopération hautement fiable, c'est cette coopération qui est issue de cette formation axée sur les facteurs humains. Communication, coopération, langage utilisé, etc. Et alors, cet excès de règles, comme vous le décrivez dans Les décisions absurdes 3, Christian Morel, il peut aboutir à des situations un peu absurdes, même franchement absurdes, comme par exemple cette règle, je ne la connaissais pas, sur la consommation des œufs dans les maisons de retraite. Oui. Il y a des règles tellement draconiennes concernant l'utilisation des œufs en coquille dans les maisons de retraite que les cuisiniers, le personnel, a peur du moindre incident qui pourrait arriver avec un œuf qui ne serait pas très frais, etc. Et les conséquences pénales que ça entraînerait, les plaintes des familles, etc. Que finalement, on n'utilise pas d'œufs en coquille dans les maisons de retraite. Le point que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, les œufs en coquille ne sont pas formellement interdits. Il y a des règles très strictes. Mais ce que les acteurs craignent, c'est que s'il y a un incident, après on va leur ressortir les règles et il y aura un risque de poursuite pénale. Les mairies, souvent, en région parisienne, ferment les parcs et jardins quand il y a 1,5 cm de neige parce qu'il y a un décret ou un arrêté qui dit que en cas de danger, les autorités peuvent fermer les parcs et jardins en région parisienne. Mais si une vieille dame se foule la cheville en se promenant dans un parc où il y a 1,5 cm de neige, eh bien tout le monde craint les poursuites pénales derrière. Et donc c'est pour ça que quand il y a très peu de neige, les enfants ne peuvent pas aller faire des bonhommes de neige dans les parcs et jardins de la région parisienne. Et je souligne donc que la menace de la sanction incite les gens à sur-appliquer les règles. Les décisions absurdes 3, Christian Morel, c'est votre dernier livre qui mérite véritablement d'être lu pour bien comprendre comment les règles que l'on suit, peuvent permettre d'aboutir avec une grande certitude à un super-fail. Cette émission a été gâchée par Anaïs Isebaer, piétinée par Pascal Baudin et vraiment fichue à la poubelle par Alexandre Fougeron. Super Fake.